La diète est assemblée au cœur de ce tumulte. Tout pour l'État, chacun pour tous, dit le parti des villes. Chacun pour soi, l'État pour tous, répondent les campagnes. Et les compagnons de la folle vie, assez de parlotte, à bas les vieillards, nous voulons un chef, nous voulons la guerre. Oh, maintenant, peuple des monts et des vallées, tremble dans l'attente orageuse, sous un ciel d'angoisse et de haine. Nuit lugubre et sans sommeil, rythmée d'armes martelées, meute folle, meurtrière, aux rumeurs irréparables. Que dis-tu ? De deuil, peuple des monts et des vallées, qui pourra sauver désormais, renversant les destins, ta patrie? Pleurez, femmes, sanglotez sur les foyers désertés, sourdes plaintes, les tambours couvrent ta voix déplorable. Que dis-tu ?